إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs. Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. À partir d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons commencer l'étude d'un nouvel épître qui est très important dans le domaine de la croyance, qui s'intitule l'exposé de la Sunna de l'imam Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et ce surnom, Al-Barbahari, les gens de la région d'Al-Basra disaient qu'Al-Barbahar faisait référence au remède qui provenait d'Inde. Comme l'a mentionné l'éminent savant As-Sam'ani dans son livre intitulé Al-Ansab. Mais la question qu'on peut se poser est-ce qu'avec cette information, nous sommes en mesure d'affirmer que l'auteur ou son père était d'origine de l'Inde? Et la réponse à cela est que Allah Ta'ala A'la wa A'lam, Allah est le plus savant. Certains sont d'avis qu'il est né en Irak, Rahimahullah. Néanmoins, ce sujet demande plus de recherche. L'imam al-Barbahari a côtoyé plusieurs élèves de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Parmi eux, nous retrouvons Abu Bakr al-Marwazi, rahimahullah, qui faisait partie des élèves de l'imam Ahmad les plus connus. Et l'imam al-Barbahari était un grand savant qui éclaircissait la vérité et faisait preuve d'ascétisme et de retenue et ne craignait aucunement les reproches de ceux qui le blâmaient. Il faisait preuve de dureté envers les gens de l'innovation conformément à la voie des salafus salih, la voix des pieux prédécesseurs. Et il a vécu, rahimahullah, à une époque où les innovations étaient nombreuses, ainsi que leurs adeptes. Il n'hésitait pas à mettre en garde contre eux, à les dévoiler et à montrer leurs erreurs. En témoigne sa parole immense qui est connue. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Les gens de l'innovation sont comparables à des scorpions. Le scorpion cache sa tête et ses pattes dans la terre et laisse apparaître sa queue. Et lorsqu'il a la possibilité, il pique. Il en est de même pour les gens de l'innovation. Ils se cachent entre les gens. Et lorsqu'ils ont la possibilité, ils propagent leurs innovations. Lorsqu'ils sont en force et que le champ est libre, ils propagent leurs faux, malgré qu'ils étaient silencieux auparavant. Et cette parole nous rappelle la situation de beaucoup de prêcheurs du faux à notre époque, qui lorsqu'ils ont commencé à prêcher, ont fait apparaître aux gens qui sont sur la sunna et qu'ils sont avec les gens de la sunna. Puis lorsqu'ils commencent à avoir beaucoup de suiveurs, ils montrent leur vrai visage et commencent à répandre leurs ambiguïtés. Également, cette parole de l'imam al-Barbahari, rahmahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous indique qu'il faisait partie de ceux qui mettaient en garde contre les innovations et ses adeptes. Et nous allons profiter de l'occasion pour faire une introduction résumée autour de la mise en garde contre les innovations et leurs adeptes en guise de rappel et de conseil. Sachez qu'Allah soit bienfaisant envers vous, que celui qui réfute et met en garde contre les gens de l'innovation doit le faire avec science et doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce sujet, les gens se sont divisés en trois catégories. La première catégorie, ceux qui sont dans l'excès. Ils ont réfuté et mis en garde contre des gens sans science et sans crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, ceux qui ont délaissé totalement ce sujet, tu ne les verras jamais mettre en garde contre les gens de l'innovation et ne vont jamais citer les paroles de savants dans ce sujet. Et pour finir, la troisième catégorie, ceux qui ont fait preuve de modération, et ceci est méritoire. Car celui qui réfute et met en garde contre les gens de l'innovation doit faire preuve de modération et de retenue. Il ne doit ni exagérer, ni être laxiste, au risque de s'égarer, car il risque de parler sur des gens sans droit, ou encore de les considérer comme étant innovateurs, alors qu'il n'en est rien. Certains ont tellement exagéré qu'ils ont mis en garde contre certains grands savants et ont ordonné de brûler certains de leurs livres, comme ce fut le cas avec l'imam al-Nawawi, avec al-Hafidh ibn Hajar également, et l'imam al-Bayhaqi. Qu'Allah leur fasse miséricorde, alors qu'ils furent connus pour défendre la sunna et pour rechercher la vérité. Et les erreurs qu'ils ont commises étaient dues à l'environnement dans lequel ils ont vécu. Ainsi, le salafi doit donner de l'importance à la critique et l'éloge et à l'éclaircissement des innovations et de leurs adeptes. Car il est fort probable que celui qui se passe de ce sujet finit par s'égarer et tomber dans les filets des gens de l'innovation sans même s'en rendre compte, comme ce fut le cas de certaines personnes que nous avons côtoyées lorsqu'il leur fut dit de donner de l'importance à ce que les savants ont écrit dans ce domaine, et ce qu'ils ont dit concernant certains innovateurs, et ce qu'ils ont dit concernant certains innovateurs de notre époque. Ils avaient l'habitude de rétorquer qu'ils étaient occupés et n'avaient pas le temps pour ça. Lorsqu'ils entendaient des mises en garde, ils disaient « je m'en écarte », car ceci rentre dans la médisance. Puis lorsque les troubles sont survenus, ils sont certes tombés dans les filets des gens de l'innovation, car ils n'étaient pas armés pour faire face à leurs ambiguïtés. Et ici, je tiens à vous rassurer qu'il n'est pas question d'armes à feu, mais il est plutôt question de la science profitable, qui est un bouclier contre les égarements et les ambiguïtés. Le salafi doit être dans le juste milieu. Il doit étudier la science et appeler à Allah subhanahu wa ta'ala selon sa capacité. Et lorsque le moment est venu de parler sur les gens de l'innovation et de clarifier leur égarement, il n'hésite pas à le faire. Tout en n'oubliant pas de le faire avec science et retenue. Car s'il ne suit pas cette voie et ne parle pas sur les gens de l'innovation, les gens seront dans la confusion. Surtout quand on sait qu'à notre époque, les gens du faux sont très nombreux. L'éminent savant, Al-Sheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i Rahmahullah, dit dans son livre intitulé « Conseils et dévoilements » certaines personnes venaient me voir ou prenaient contact avec moi et me disaient « Pourquoi en faire autant avec la critique et l'éloge ?» Car comme vous le savez, Cheikh Mourbil Rahimahullah, à son époque, faisait partie des savants qui mettaient le plus en garde contre les gens du faux. Il répondit à cette question, Rahimahullah, je leur dis, nous sommes occupés par la science et nous réfutons les gens de l'innovation lorsque l'occasion s'y prête. Allahu Akbar. Il a certes dit vrai, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le salafi doit être occupé par la science, l'apprentissage du Coran, l'étude du tawhid, de la jurisprudence, des ahadiths, du tafsir, et de la science profitable en général. Et lorsque l'occasion s'y prête, il réfute les gens de l'innovation et met en garde contre eux, conformément à la voie des pieux prédécesseurs. Et les trois catégories mentionnées précédemment, concernant la critique et l'éloge, furent citées par l'éminent savant Cheikh Mourbil Ibn Hadi Al-Wadi'i dans son livre « Conseils et dévoilements ». La première catégorie, ceux qui ont exagéré, et ceci est blâmable. La deuxième catégorie, ceux qui ont délaissé totalement ce sujet, et ceci est également blâmable. Et la troisième catégorie, ceux qui ont fait preuve de modération, et ceci est une chose louable. Et il est bon de rajouter à cela quelque chose de très important, surtout à notre époque, qui est que dans la critique et l'éloge, il faut suivre la voie des grands savants qui ont réfuté et mis en garde contre les gens de l'innovation. Nous devons propager leurs paroles et ne surtout pas les devancer dans ce domaine. Nous disons qu'un tel est innovateur, car tel savant de la sunna l'a jugé comme tel, ou encore on ne prend pas la science d'un tel, car ceci est le jugement des savants, sans se prononcer sur des choses dans lesquelles ils ne se sont pas prononcés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension de notre religion. Nous allons sans plus attendre commencer l'explication de la parole de l'auteur. Donc l'imam al-Barbahari, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Louange à Allah, qui nous a guidés à l'islam, nous en a fait don et nous a mis dans la meilleure des communautés. L'auteur commence cette épître par louer Allah subhanahu wa ta'ala et en rappelant que c'est lui qui nous a guidés à l'islam. Et il convient aux croyants de se rappeler de ce bienfait, car c'est certes le plus grand des bienfaits. Et il arrivait aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se regrouper pour se rappeler cet immense bienfait. L'imam Muslim rapporte, d'après Abu Saïd al-Khoudri, que Muawiya, qu'Allah les agrée, sortit pour se rendre dans une assise dans la mosquée. « Pourquoi vous êtes assis » demande-t-il. Ils répondirent, « Nous nous sommes assis pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. » Il insista, « Par Allah, vous êtes assis ainsi que pour cela ?» Ils répliquèrent, « Par Allah, rien d'autre que cela ne nous a réunis. » Il reprit et dit, « Si je vous ai amené à jurer, ce n'est pas parce que je doute de vous et personne si proche que moi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne transmet moins de hadith de sa part que moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit pour se rendre auprès de ses compagnons réunis en cercle. Il demanda, « Pourquoi êtes-vous ainsi ?» Ils répondirent, « Nous nous sommes assis pour évoquer Allah, le louer de nous avoir guidés vers l'islam et de nous en avoir gratifiés. » Il s'exclama par Allah, « Vous vous êtes réunis que pour cela ?» Ils dirent par Allah, « Rien d'autre que cela ne nous a réunis. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta, « Si je vous ai amené à jurer, ce n'est pas parce que je doute de vous, mais Jibril est venu m'informer qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous vante auprès des anges. » Regardez, chers auditeurs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyaient à la mosquée pour se rappeler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et notamment le bienfait de l'islam. Ce bienfait changea totalement leur situation et leur apporta beaucoup de bien. Et il n'y a pas un bien qui atteint le serviteur sans que ce soit dû au bienfait de l'islam. Le bienfait de l'islam est la clé pour l'augmentation des bienfaits. Abu Nu'aym rapporte dans son livre intitulé « Hilyatul Awliya » d'après Wahb ibn Munabbih, qu'Allah lui fasse miséricorde, les sommets des bienfaits sont au nombre de trois. Le premier est le bienfait de l'islam. Et c'est celui dont aucun bienfait ne se réalise sans lui. Le deuxième est le bienfait de la santé. Celui qui sans lui, la vie ne serait pas plaisante. Et le troisième est le bienfait de la richesse. Dans ce affaire, le bienfait de l'islam est considéré comme le plus grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce bienfait est la cause de tous les autres bienfaits. Ibn Jarir rapporte dans son tefsir, après avoir mentionné le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » Rappelez-vous, lorsque vous étiez peu nombreux, opprimés en cette contrée, craignant d'être happés par vos ennemis, Allah vous donna asile, vous assista de son secours et vous accorda des bienfaits licites et bons, afin que vous soyez reconnaissants. Il dit, rahimahullah, donc Ibn Jarir dans son tafsir, ces gens parmi les Arabes étaient les plus humiliés et avaient la vie la plus misérable et étaient ceux qui avaient le plus faim, les moins vêtus et les plus égarés. Il n'y avait rien dans leur pays que les gens pouvaient envier. Celui qui vivait parmi eux vivait misérable et ceux qui mouraient parmi eux étaient jetés dans le feu. Ils se faisaient manger et ne mangeaient pas. Par Allah, nous ne connaissions pas de tribu présente à cette époque ayant un plus mauvais rang qu'eux, jusqu'à ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vienne avec l'islam et leur donna la suprématie sur la terre. Avec cela, la subsistance fut élargie et il les prit comme roi. Et avec l'islam, Allah a donné ce que vous voyez. Soyez reconnaissants envers Allah pour ses bienfaits, car Allah est celui qui octroie les bienfaits et aime qu'on le remercie et qu'on soit reconnaissant. Et les reconnaissants sont dans un surplus venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la parole d'Ibn Jarir dans son tafsir concernant le verset de Sourate Al-Anfal. Ainsi, l'islam est la clé de tous les bienfaits. C'est avec l'islam que les situations dans lesquelles étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la période pré-islamique a changé. Il n'y a pas une personne faible qui s'attache fermement à l'islam sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala la renforce. Il n'y a pas une personne égarée qui s'attache à l'islam sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guide. Et il n'y a pas un pauvre qui s'attache fermement à l'islam sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'enrichisse. Et les Arabes, dans la période pré-islamique, étaient faibles et humiliés et faisaient des péchés odieux. Et lorsque les compagnons se sont attachés fermement à l'islam, Allah leur a octroyé de nombreux biens et de nombreux bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas. C'est vous qui dominez si vous êtes véritable croyant. Il y a aussi le verset qu'on a mentionné précédemment. وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Rappelez-vous lorsque vous étiez peu nombreux, opprimés en cette contrée, craignant d'être happés par vos ennemis, Allah vous donna l'asile, vous assista de son secours et vous accorda des biens licites et bons, ainsi que vous soyez reconnaissants. Et ceci nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la force, la richesse et beaucoup d'autres bienfaits. Et il dit aussi Azza wa Jal: Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui accomplissent des œuvres pieuses de leur donner pouvoir sur terre, comme il l'a donné à ceux qui l'ont précédé, de donner force et suprématie à la religion qu'il a agréée, pour eux et de les faire passer de la crainte à la sécurité. Ceci car ils m'adorent et ne m'associent rien. Quant à ceux qui par la suite renient la foi, ce sont eux les véritables dévoués. Ibn Abi Dunya rapporte, d'après Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agré, qui a dit: nous sommes un peuple à qui Allah a donné la puissance par l'islam. Ils étaient humiliés et faibles et se faisaient manger mais ne mangeaient pas. Les Perses et les Romains mangeaient leurs biens, mais Allah subhanahu wa ta'ala les a pris comme rois après la venue de l'islam. Et même les juifs et les chrétiens savent que l'islam est un bienfait. La preuve concernant les juifs réside dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'après Tariq ibn Shihab, qu'Allah l'agré, qui dit: un homme parmi les juifs vint voir Omar ibn Khattab et dit: ô prince des croyants, il y a un verset dans votre livre que vous récitez. Si c'était sur nous les juifs qu'ils avaient été révélés, nous en aurions fait un jour de fête. De quel verset s'agit-il? Demanda Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et le juif répondit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parfait sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Ce juif a connu le bienfait de l'islam, tout comme il a su que celui qui s'y attache fermement sera renforcé et aura la sécurité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la puissance et l'élèvera. Quant à la preuve concernant les chrétiens, elle réside dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Abu Sofyan, qu'Allah l'agré. Il dit que Héraclius, l'empereur byzantin, qui comme vous le savez était chrétien, dit à son peuple: ô Byzantin, désirez-vous le bonheur, être sur la voie droite et conserver votre empire? Eh bien, prêtez allégeance à ce prophète. Et il faisait allusion au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, de nos jours, de nombreux musulmans ignorent le bienfait de l'islam. Beaucoup d'entre eux ont la conviction que la félicité se trouve dans le suivi des mécréants. Et d'après eux, il faut connaître leur science et les imiter dans la plupart des choses. Et ils sont convaincus que l'islam est un retour en arrière et une rétrogradation dans leur avancée. Et cette conception des choses est erronée. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont devenus des gouverneurs et des gens très influents par leur attachement au Coran et à la Sunna. Et nous avons mentionné toutes ces preuves dans le but de nous rappeler le bienfait de l'islam. Et il convient aux croyants de s'en rappeler comme le faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, louange à Allah qui nous a guidés à l'islam, nous en a fait don et nous a mis dans la meilleure des communautés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Ali Imran: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Vous commandez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset dans Sourate Ali Imran vient appuyer la parole de l'auteur dans le fait que cette communauté est la meilleure. Et l'imam al-Bukhari rapporte, rahmahullah, d'après Abu Huraira, radiallahu an, qu'il dit à propos de ce verset, ce sont les hommes les plus profitables aux hommes. Et la question qu'on peut se poser ici est pourquoi cette communauté est la plus profitable pour les gens. L'éminent savant, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, répond à cette question dans son livre intitulé Al-Istiqama. Il dit, après avoir mentionné la parole d'Abu Huraira, qu'Allah l'agré, le bien de cette communauté est dans la bienfaisance et le profit qu'elle apporte à l'ensemble des gens. Car il n'y a pas un bien qu'elle n'a pas clarifié et il n'y a pas un mal contre lequel elle n'a pas mis en garde. Fin de citation. Et cette caractéristique n'était pas présente dans les communautés précédentes. Également, nous avons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté de justes. Et les savants du tafsir ont dit que ce qui est voulu par ce verset est que cette communauté est la meilleure. Et toutes ces preuves ne contradisent en rien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bani Israël, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblé et je vous ai préféré à tous les peuples. Car ce qui est voulu dans ce verset est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a préférés à tous les peuples de leur époque. Car la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore apparue. Par conséquent, c'était la meilleure communauté à leur époque. Et nous avons également une preuve dans la sunna qui vient appuyer cela. L'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte dans son musnad, d'après Muawiyah ibn Hayda, qu'Allah l'agré, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous complétez 70 communautés. Vous êtes la meilleure et la plus noble auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est authentique. Et Benu Israël rentre dans ces 70 communautés. Et les meilleurs de cette communauté sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les trois premières générations, comme cela est venu dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleures personnes sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ensuite, l'auteur nous dit, pour finir, nous lui demandons de nous accorder de réaliser ce qu'il aime et agrée et de nous préserver de ce qu'il déteste et provoque son courroux.